vraie tragédie, la disparition de Bastien, 4 ans, lors d'une balade avec ses parents. Un véritable mystère qui s'épaissit autour du buisson. Le véhicule aurait été retrouvé dans un fossé, et des enfants et des accompagnants ont été retrouvés. Elle affirme que son compagnon lui tenait la main quand celui-ci a tout simplement disparu. Et reste à ce jour introuvable, la piste de l'homicide est écartée. On recense de plus en plus de cas de disparition étrange. Monde étrange, des disparitions incompréhensibles car ne laissant aucune trace. La tour. Épisode 1. Morgan. Allô ? Allô chérie ? Ça va ? Ouais, et toi ? La journée, tu le sens comment ? Bah écoute, je travaille au corps, mais je commence à marquer des points. Tu penses que tu vas l'avoir ? La promotion ? Ouais, c'est carrément en bonne voie. Mais je te raconterai tout ça ce soir. T'as eu Lara ? Oui, à l'instant. Bah elle était ok pour ajouter une heure de garde. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, elle fait ça avec plaisir. Ouais, je vais lui payer le supplément, c'est normal. Au fait, t'as pu emmener Iris chez le pédiatre ce matin ? Ah ouais, pardon. Je t'ai pas prévenu, mais le docteur avait un créneau juste avant le boulot. J'ai pu l'emmener, donc visiblement, c'est une fausse alerte. Ce serait une marque de naissance. Une marque de naissance ? Ok, aussi grosse ? Bah oui, j'ai été tout aussi surpris que toi. Mais apparemment, pas d'inquiétude. Ça devrait se résorber ou rester comme c'est. Non mais attends, Morgan, comment ça, pas d'inquiétude ? Une marque de naissance, c'est là à la naissance. Oui, je suis tout aussi dubitatif que toi. Mais le pédiatre m'a dit que c'était ok. Bah, il faut donc qu'on change de pédiatre. Si tu veux, mais... Morgan, c'est pas une marque de naissance. Ça apparaît pas comme ça. Ok, on cherchera un nouveau docteur. Mais demain, si ça te dérange pas. J'avais pas l'intention de faire l'annuaire ce soir, mon amour. Tu m'envoies rassuré. Tu rentres quand ? Bah, la réunion a traîné, mais je suis sur le retour, là. D'ici 10 minutes à peu près. Parfait. À tout à l'heure, mon amour. À tout à l'heure, je t'aime. Moi aussi. Lara ? Bonjour, monsieur Reynaud. Lara, c'est Morgan, s'il te plaît. Tout va bien ? Oui, Iris vient de s'endormir. Ah, super. Demain, même heure, c'est bon pour toi ? C'est parfait. Merci, monsieur Reynaud. Bonne soirée. Tu vas y arriver un jour à me tutoyer. Bonne soirée, Lara. Tu m'as manqué. J'étais au travail, mais je suis rentrée maintenant. Bon, tu dors et tu n'as pas beaucoup de conversation, mais pas d'inquiétude. Ça viendra. Je t'aime. Je t'aime vraiment très fort. Comme d'habitude, ma chérie. Tu fais un cauchemar, tu cries, et je t'entendrai toujours. Salut mon amour. Il reste des bières si tu veux. Ah ouais. Elle est où Iris ? Dans sa chambre. Et elle dort à point fermé. Ouais, moi aussi j'aurais utilisé cette excuse pour boire une bière tranquillement sur le canapé. Bon, je vais voir. Je plaide coupable. Ah, t'es décidément un mauvais père. Nope, seulement alcoolique. Mon petit ange, ça va ? Oui. Bah oui, mon cœur. elle était pas du tout en train de dormir. Elle s'est réveillée exprès pour te donner raison. Elle a déjà choisi son camp. Maline comme sa mère. Ah voilà, enfin quelque chose sur lequel on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait encore ensemble, amour de ma vie? C'est simple, mon chéri, on élève notre fille. Recevable. Je t'aime encore, tu sais. Seulement encore. Tu es épuisante. Tiens, pour toi. À la tienne. C'est assez gros comme marque, quand même. Ouais, je trouve aussi. Ça ressemble à un hématome pour moi. Mais elle ne semble pas avoir mal. Le pédiatre a dit que ça pouvait apparaître comme ça. Non mais elle a 3 mois. Pourquoi ça apparaît maintenant? Je sais pas, Anna. Et tu me demandes pas comment s'est passée ma journée? Je manque à tous mes devoirs. Comment s'est passée ta journée, mon amour? Bof, comme un jeudi. Et tu as la flemme de tout, n'est-ce pas? C'est aussi pour ça que je t'aime. Tu me connais si bien. Eh ben écoute, je suis au fourneau ce soir. Ah, oh, trop bien. Alors, on a des concombres, un reste de poulet rôti, des coquillettes. Je suis sûr que je peux nous bricoler une salade de pâtes, ça te dit? Oh, parfait. Hey, t'as racheté de la crème fraîche? Oui, t'as regardé dans le placard du haut? Ah ouais. Putain, je trouve pas... Morgane, ça va? Putain. Ça va? Tu t'es fait mal? Ouais, ça va. Merde, Iris. Je vais voir, je crois. Ouais, ouais, vas-y, t'en fais pas. Bon, tu veux quoi? Pizza chez Lino. Parfait, j'allais proposer. Tu veux une calzone? Oh que oui. Allez, j'appelle. Décidément. Quoi? Je sais pas, on dirait que j'ai pas de réseau. Attends, j'essaye. Non mais c'est une blague. Toi non plus? Visiblement, ce n'est pas notre soirée. Clairement. Bon, tu sais quoi, laisse tomber, j'y vais directement. T'es sûr? Ça va ton bras? Mais oui, t'en fais pas. Allez, à tout de suite. Ouais, fais attention. Mais c'est quoi, ça? J'en sais rien, il arrête pas de déconner ce soir. Je pense qu'il est mort, ou alors il a... Thank you. Bonjour Morgane, c'est Antoine. Bon écoute, comme tu voulais, j'ai pu faire un point avec l'avocat de ta femme. Bon, il m'a pas tout dit, mais je sais comment la ville fonctionne. Ils ont des preuves. Bon écoute, je vais pas passer par quatre chemins en fait. Ça va être chaud, ça va être vraiment compliqué. Et je pense qu'Anna va vouloir passer par un divorce pour faute. Probablement pour alcoolisme. Dans tous les cas, faut que tu me rappelles, histoire qu'on discute d'une entente avec la partie adverse. M'entraîne pas s'il te plaît. Bye. J'arrive. Bonsoir, monsieur Reynaud. Bonsoir, Lara. Je vous dérange pas ? Non, non, vas-y, entre. Je vous ai ramené un fondant au chocolat. Oh, c'est... C'est hyper gentil. Je vais chercher deux assiettes, installe-toi. Vous faites du tri ? Je peux plus garder ça ici, ça me rend... Enfin, tu vois. Écoute. Oui, oui, je comprends. Si vous voulez, je peux vous filer un coup de main. Ça ira, t'inquiète pas, merci. Pardon. Je voulais pas... Je sais. Je sais. Tiens. Merci. C'est très bon. Oui, c'est... je rajoute de la coco dedans, ça... Ça adoucit le chocolat. C'est sympa. Comment vas-tu, Lara ? Bah, je viens de terminer ma première année de prépa. C'est difficile, hein, mais je tiens le coup. Je veux pas louper l'école d'ingé pour la suite, donc je me concentre que là-dessus, quoi. T'es bien. C'est très bien. Et vous ? Ça va ? C'est compliqué. La vie est devenue... compliquée. Vous savez, je crois pas ce qu'on a dit sur vous. Vous savez, l'enquête et tout. Les gens vous jugent sans vous connaître. Vous êtes un bon père. Merci Lara, t'es bien la seule à penser ça. Mais pourquoi ? Écoute, quand Iris a disparu, il y a eu une enquête. Et l'enquête a apporté des éléments de nos vies privées et professionnelles. J'ai pas toujours été clean. Alors... Mais l'enquête a prouvé que vous étiez pas responsable. Bien sûr, mais le mal est fait. Tu sais... Tout va bien ? Désolée, c'est que ça va faire un an et on sait pas où... Enfin... Désolée. Je suis là à pleurer devant vous alors que c'est vous qui vivez tout ça. Ce n'est pas grave, Lara. Je vais vous laisser. Gardez le gâteau. Ok. Je te ramène le plat demain. Tu devrais reprendre une part pour toi. Oh non, c'est bon. Merci. Bon. Au revoir, monsieur Reynaud. Au revoir. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? D'où ça vient ? Non mais c'est pas vrai. Pourquoi tu t'allumes toi ? Iris ? Iris ? Iris ?